Piste 16. Exercice 5. 1. Ils parlent français. Ils aiment le français. 2. Nous aimons les voyages. Nous visitons la France. 3. Les étudiants aiment les langues. 4. Vous visitez Paris? Vous aimez la ville ?